بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد لوانجا الله que ses éloges et le salut soient sur son serviteur et messager notre prophète Mohammed ses compagnons et ceux qui l'auront suivi dans l'excellence jusqu'au jour dernier. Ceci dit, nous continuons et nous clôturons, Inch'Allah, cette série de rappels sur la droiture, Al-Istiqam. On s'est arrêté dans le neuvième point, qui consistait à dire que parmi les obstacles à la droiture, il y a les ambiguïtés d'une part, et d'une autre part, les tentations trompeuses. Et on avait commencé à expliquer cela. Et on s'était arrêté sur un constat. Un constat, et en vérité, cela a été annoncé dans le noble Coran, ainsi que dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce constat, c'est de dire, de se rendre compte que peu sont ceux qui restent fermes sur la voie sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À l'occasion de ce dernier rappel, nous allons aborder un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporté par An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, qui est rapporté par l'imam Ahmed ainsi que At-Tirmidhi, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Darab Allahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatay sirat سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a donné en parabole une voie droite. Et il y a à chacun de ces deux côtés un mur. Donc à chacun de ces deux côtés de cette voie droite, un mur. Et il y a dans ces deux murs des portes ouvertes. À leurs portes, il y a des voiles abaissées. Et à la tête de ce chemin, il y a quelqu'un qui appelle et qui dit: Ô gens, rentrez tous dans le chemin et n'en déviez pas. Un autre personnage au-dessus de ce chemin qui appelle: si quelqu'un veut ouvrir une de ces portes, il lui dit: malheur à toi, car si tu l'ouvres, tu y entreras. Malheur à toi, car si tu l'ouvres, tu y entreras. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: le chemin c'est l'islam, et les deux murs sont les limites d'Allah, et les portes ouvertes sont les interdictions d'Allah. Quant à celui qui appelle à la tête du chemin, c'est le livre d'Allah, et celui qui appelle au-dessus du chemin, c'est le prêcheur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. On comprend donc de cette parabole ou de cette image, cet exemple qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour illustrer le message qu'il a voulu véhiculer, que le fait de tomber dans ce qui écarte du droit chemin, que ce soit les ambiguïtés ou les tentations trompeuses, est très facile. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu dans ce hadith, ces portes-là, donc un simple voile qui est abaissé, il te suffit donc juste d'enlever ce voile pour pouvoir rentrer dans cette porte. Une porte donc soit d'ambiguïté, soit de tentation trompeuse qui t'écarte du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que le fait d'ouvrir ce type de porte-là est beaucoup plus aisé que d'ouvrir une porte qui serait munie, par exemple, d'une serrure et donc qui nécessiterait d'avoir une clé. Donc ça te montre la facilité qu'il y a à tomber dans l'interdit, à s'égarer du droit chemin. Or, le musulman droit à l'idée d'ouvrir une de ces portes, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il y a le prêcheur d'Allah dans son cœur, cela a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ce hadith. C'est le prêcheur d'Allah dans le cœur de chaque musulman qui lui dit, comme mentionné précédemment, malheur à toi, car si tu l'ouvres, tu y entreras. Donc ça te montre que le musulman droit, il a peur de rentrer par ces portes-là. Et il a peur de s'écarter du droit chemin. Donc il craint pour sa propre personne les ambiguïtés qui touchent à sa croyance, à sa foi. Et il craint également les tentations trompeuses qui vont venir porter atteinte à sa pratique et à sa droiture. Tout en sachant que, comme le disent certains savants, les tentations trompeuses mènent à terme aux ambiguïtés. Elle mène à terme aux ambiguïtés et les deux sont donc liés dans le fait d'écarter le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala du droit chemin qui le mène à sa satisfaction tabaraka wa ta'ala et à sa récompense. Également, parmi les choses importantes à mentionner, c'est qu'il est vital que le serviteur qui cherche l'agrément d'Allah sache qu'il a besoin d'être guidé de deux manières. Premièrement, d'être guidé vers la voie droite. Ila as-sirat. Deuxièmement, d'être guidé sur la voie droite. Fis-sirat. Et la différence entre ces deux choses-là a été expliquée par Ibn Qayyim rahimahullah dans une lettre qu'il écrivit à l'un de ses frères. Et cette lettre-là, si je ne me trompe pas, a été traduite en français et est disponible aux éditions Dar al-Muslim sous le titre Lettre à tout musulman, ou un titre de ce genre-là. Donc il a expliqué la différence entre le fait d'être guidé vers la voie droite et le fait d'être guidé sur la voie droite. Le fait d'être guidé vers la voie droite, c'est que tu n'es pas sur la voie droite, tu n'es pas encore dans la droiture. Et donc tu demandes à être guidé vers cette voie droite, que l'on te montre ce chemin-là. Sur la voie droite, c'est une fois que tu y es, c'est d'être raffermi sur cette voie-là. Et l'exemple que l'on peut donner pour faire comprendre cette chose-là, c'est l'exemple d'une personne qui chercherait comment arriver à une destination donnée. Il est possible que cette personne-là sache exactement, à l'aide par exemple soit d'informations d'un tiers ou d'un plan ou de tout autre outil ou intermédiaire, il est possible donc qu'il sache comment se rendre vers ce chemin-là. Et il est possible également qu'il sache comment se rendre jusqu'à sa destination. Donc ça revient à connaître comment se guider vers cette voie en question, vers ce chemin. Par contre, cela n'implique pas forcément qu'il sache comment se comporter une fois qu'il y sera. Peut-être qu'il ne connaît pas la quantité de provisions dont il a besoin. Peut-être qu'il ne connaît pas les obstacles qu'il va rencontrer sur son chemin. et tout autre détail ou cause qui peuvent l'empêcher d'arriver à sa destination, bien qu'il connaisse comment y arriver et qu'il connaisse la route de manière globale et générale. Donc c'est là la différence entre le fait d'être guidé vers la voie droite et sur la voie droite. Combien de gens connaissent que l'islam, que le fait de suivre la sunna, c'est la vérité, que c'est ça la voie droite, donc ils savent où est la vérité. Par contre, ils n'arrivent pas soit à y adhérer, soit à y rester ferme lorsqu'ils y sont. Et lorsque nous disons dans nos prières et notre récitation de la sourate al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, il faut savoir que on est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers et sur la voie droite. Vers et sur la voie droite. Celui qui n'est pas guidé, donc, il demande d'être guidé vers la voie droite. Et celui qui est déjà guidé, il demande à y être raffermi. Et c'est très important, cette chose-là. C'est très important de l'avoir à l'esprit et dans le cœur. Dixième règle, principe, c'est la dernière de ces 10 règles relatives à la droiture, à l'istiqama, c'est de savoir que parmi les plus grandes causes menant à la déviance du droit chemin, il y a le fait de chercher à ressembler aux mécréants. Il faut savoir que le fait de chercher à leur ressembler est dû à une déficience dans la science ou l'œuvre. Donc il y a forcément un problème quelque part. Soit c'est dans la science, dans la connaissance de la personne, dans son capital de connaissance, qu'elle a un problème. Soit c'est dans son œuvre, dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'agir. Soit c'est dans les deux. Et nous retrouvons cela dans la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la sourate d'Al-Fatiha, lorsqu'il dit: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala ad-dallin. Guide-nous, donc, vers et sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont été comblés de tes bienfaits, non pas celui des égarés, ni de ceux qui ont encouru la colère, ni de ceux qui ont encouru la colère. Ceux qui se sont égarés, ce sont ceux qui ont agi, mais sans science. Donc leur problème, la base de leur égarement, est basée sur l'absence de science. Donc ça rejoint ce que nous avons dit à l'instant, que chercher à leur ressembler est dû à une déficience dans la science ou l'œuvre. Donc là, ça concerne la science. Donc le musulman, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, en récitant sourate al-Fatiha, il demande à ne pas être guidé, orienté vers la voie des égarés, ceux qui ont agi sans science. Et il demande également de ne pas être guidé ou orienté vers la voie de ceux qui ont encouru la colère. Et pourquoi ceux qui ont encouru la colère l'ont encouru? C'est parce qu'ils connaissaient la vérité, mais qu'ils ne l'ont pas mise en application. Leur déficience, leur problème, étaient donc dans l'œuvre. C'est leur pratique qui était corrompue. Également, le fait de suivre, chercher à ressembler aux mécréants, c'est quelque chose qui a été annoncé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a annoncé que dans cette communauté, il y aurait des gens qui allaient suivre la voie des mécréants parmi les polythéistes et les gens qui le livre a été attribué, tels que les juifs et les chrétiens. En effet, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tattaba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, un pan par un pan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils entraient dans le trou d'un lézard, vous les y suivriez. Donc ça te montre qu'il y a parmi les membres de cette communauté des gens qui vont suivre un pan par un pan, c'est-à-dire à la lettre, le modèle de ceux qui nous ont précédés parmi les mécréants. À tel point que s'ils entraient dans le trou d'un lézard, ce qui est une chose relativement compliquée, on trouverait des gens qui, malheureusement, feraient cette chose-là. Et cette chose-là a été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous montre la gravité de cela. Et nous montre la gravité de cela et que c'est quelque chose qui constitue un des facteurs de la perdition de l'être humain, de la perdition du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour conclure donc ces quelques règles et principes que nous avons pu aborder et qui, je le rappelle, sont tirés en grande partie, en majeure partie du livre, même dans leur totalité, du livre de Shir Abdelrazzaq Al-Badr, qui sont relatives à la droiture, à l'istiqama. On va conclure donc en citant une parole d'Ibn al-Qayyim qui rapporte qu'il a entendu le Shir de l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dire: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. La plus grande des dignités, c'est l'attachement à la droiture. C'est l'attachement à la droiture. Il est donc important et impératif que nous fassions en sorte de concrétiser cette chose-là. Et que nous demandions à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans cela et de ne pas nous laisser à nos propres personnes, à nos propres âmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Car celui qui est délaissé, celui qui est laissé à l'abandon, celui qui ne bénéficie pas de la réussite venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a été délaissé à sa propre personne. Pour ça que parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ. Et ne me délaisse pas à ma propre personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Donc demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, demandons-lui de nous affermir et de ne pas détourner nos cœurs après les avoir guidés. C'est sur cela que se terminera cette série de brefs rappels sur le sujet de la droiture. Et j'ai voulu, par cela, faire un rappel à ma propre personne avant tout et en faire profiter toute personne souhaitant emprunter le droit chemin et qui, pour une raison ou une autre, n'en a toujours pas eu le privilège. Et c'est également un rappel pour toute âme qu'Allah a guidée et qui a besoin de se voir rappeler certains principes afin de pouvoir rester ferme sur cette voie. Et donc je ne manquerai pas, avant de terminer, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser en bien le Cheikh Abdelrazzaq Al-Badr ainsi que son père et l'ensemble des ulama de l'islam, ainsi que le frère Mahdi Abou Abdelrahman, puisqu'il a traduit ce petit livre donc de Cheikh Abdelrazzaq, et que sa traduction donc est disponible sur internet, traduction sur laquelle je me suis beaucoup basé. Qu'Allah les récompense et les préserve, et qu'il nous facilite tous afin de concrétiser ce qu'il aime et agrée. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين